الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى أما بعد فكما notre habitude une révision du cours précédent. Dans le cours précédent, nous avions entamé le premier des trois fondements, qui était la connaissance du serviteur de son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Et Cheikh al-Islam, dans Al-Usul al-Thalatha, a posé une question, qui est la suivante. Si on te demande par quoi as-tu connu ton Seigneur, que répondras-tu? Qu'est-ce que nous répondons à cette question? Bima arafta rabbak. Tadda. Ahsant. En français? Ahsant. Ahsant. Barakallahu fik. On avait cité que Al-Ayat, c'est-à-dire les signes, sont de deux sortes. Sad. Ahsant. Kauniya wa shara'iya. En français, c'est-à-dire Ahsant. On avait cité aussi la parole d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma concernant la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun, c'est-à-dire qu'il m'unifie, yuwahiduni, dans le sens de la parole d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Ceci est aussi ce qu'a choisi comme explication de ce verset Imam al-Mufassirin, et qui est celui qu'on appelle Imam al-Mufassirin. Yahmadou Tfam. Ahsant ibn Jarir al-Tabari, celui qu'on appelle Imam al-Mufassirin. Ibn Jarir qui est mort en quelle année? Est-ce qu'on l'avait évoqué? On l'avait pas évoqué. Ibn Jarir est mort en 310 après la hijra du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. 310. Et dans son livre, qu'on a l'habitude d'appeler Tafsir al-Tabari, qui s'appelle réellement Fadal Yahmoud. Ahsant. Jami' al-Bayan an ta'wili ayy al-Qur'an. Ceci est le véritable nom de son tafsir, celui qu'on a l'habitude d'appeler Tafsir al-Tabari, qui est un tafsir sur lequel se repose la masse des musulmans. Et c'est pour cela que l'on l'appelle Muhammad ibn Jarir al-Tabari, Abu Ja'far, on l'appelle Imam al-Mufassirin, l'imam des savants du tafsir. On avait évoqué après cela, bien sûr on avait fait la révision sur le sens de Tawhid. Comme vous le savez, Tawhid c'est Ifradullahi bil-Ibada, le fait d'unifier Allah Azza wa Jalla dans l'adoration. Et on avait abordé le sujet de Al-Shirk. On avait dit que le shirk se divise en deux sortes. Quelles sont ces deux sortes? Kamel Tafaddal. Ahsant, donc le polythéisme. Ahsant. Et on avait donné la définition de chacun d'entre eux. La première. Ahsant. Tu peux le traduire, Kamel? Ce qu'a appelé le législateur shirk, mais qui ne contredit pas le shirk et le tawhid de manière inconditionnée. Ahsant, de manière absolue, de manière inconditionnée. Donc c'est tout. On avait rappelé donc que cette définition était la définition qui était donnée dans plusieurs de ses livres, Cheikh Ibn Uthaymeen, Rahimahullah, et autres que lui. C'est celle qu'il avait l'habitude de donner, Cheikh Rahimahullah Ta'ala. Et on avait dit que c'était كل قول أو عمل أطلق عليه الشارع وهكذا. Et الشرك الأكبر, le grand polythéisme ou le polythéisme majeur. أحمد تفضل. كل شرك أطلق عليه الشارع والناس التوحيد مطلقا. أحسنت. Donc en français? C'est tout polythéisme que le législateur a appelé shirk. Ahsant, qui le contredit de manière absolue. Qu'est-ce que ça veut dire, Yali, pour résumer cela? Pour résumer cela, un résumé de ces deux définitions-là. Comment on fait la différence dans les textes? Al-Shari', on a dit que c'était qui? Al-Shari', le législateur, Allah et son messager. Ahsantum, sallallahu alayhi wa sallam. Et on avait donc donné quelques exemples, on avait pour définir, quand on a des textes du Coran, de la Sunna, où il est évoqué al-shirk. Comment on peut faire la différence, d'après cette définition qu'on a appris, entre ce qui est du shirk akbar et du shirk asrar? Pour résumer. Tadda. Ahsan, c'est une des différences entre le polythéisme mineur et le polythéisme majeur. Et effectivement, lorsque l'on a dans les textes du Coran et de la Sunna une preuve, donc il est évoqué que cet acte qui est appelé shirk, qui est appelé polythéisme, ce qui est évoqué dans ces preuves, c'est le fait que la personne qui fait cet acte-là, il sort de l'islam. Et bien ça, c'est l'explication de notre parole lorsque nous disons dans la définition qui contredit le tawhid de manière absolue. Donc le fait qu'une personne sorte de l'islam, une personne devient mécréante à partir du moment où elle fait cet acte qui a été appelé shirk par le législateur. Et la deuxième sorte de shirk, le shirk al-asrar. Fadr. Hein? On l'avait évoqué, oui. Le fait que la définition, pour résumer un petit peu cette définition, tafadhal ya Ahmadou. C'est une chose, le fait que, comme on l'a dit, une des deux différences, le fait que celui qui fait du polythéisme mineur, lorsqu'il est venu dans ses preuves, que cette chose est du polythéisme, est appelée par le législateur polythéisme, et bien que cette personne-là n'est pas vouée au feu éternellement. Et ceci, bien souvent, comme on l'a évoqué, on le sait par d'autres textes. On le sait en s'appuyant sur d'autres textes qui nous montrent que celui qui aura fait tel ou tel acte ne sera pas éternellement dans le feu, ne sortira pas de l'islam. Comme par exemple, on avait donné un exemple, ce qui est donné généralement par l'ulama. Mustafa Tfadr. Ahsant. Ahsant. Al-Halif, le fait de jurer par autre qu'Allah. Je sais, un exemple qui est donné concernant le shirk al-asrar, bien souvent par l'ulama, et comme on l'avait dit, ça on rentrera plus en détail lorsqu'on étudiera cela, mais le fait de jurer par autre qu'Allah peut atteindre le degré de polythéisme majeur. On avait donné aussi le sens du mot istawa. Si vous vous rappelez. Mourala Tfadda. Kamel Tfadda. Ahsantum. Ala wa artafa. C'est-à-dire, c'est le sens de l'élévation. Qu'on pourrait traduire en français, on ne traduit pas bien sûr ce mot al-istiwa, car la manière de le traduire, c'est quelque chose qui est. Il faut être minutieux au moment où on traduira ce mot, mais ce qui est rapporté de as-salaf, radhiyallahu alayhim, parmi eux, on avait dit Mujahid et Abu al-Aliya al-Riyahi. Ala wartafa, c'est le sens de l'élévation. On avait dit aussi, on avait parlé de l'arche et on avait expliqué ce qu'était l'arche en résumé. Tafadhal. Le trône, Ahsant. Ahsant. Et elle est différente du coursier. Ahsant. Et c'est autre que le coursier, c'est autre aussi que le fait de la science. La science, Ahsant. Puisque les gens de l'innovation, lorsqu'ils expliquent l'arche, comme cela lorsqu'ils expliquent le coursier, ils disent que c'est l'ilm. Et Allah Azza wa Jalla nous parle dans son livre, Tabaraka wa Ta'ala, de l'coursier. Aussi, il nous parle de l'arche, il nous parle aussi de sa science. Et l'arche et le coursier sont deux choses différentes, et elles sont aussi différentes de l'ilm. Pour terminer, l'argumentaire de Cheikh al-Islam dans ce asl, ce fondement, lorsqu'il rapporta tous ces versets, c'est un argumentaire qui est basé sur quoi? Pour résumer, son argumentaire, lorsqu'il rapporta tous ces versets, il est basé sur quoi? Et le résumé de cet argumentaire, il est facile, il se trouve dans la parole d'Ibn Kathir. Rahimahullah. Quelle est la parole d'Ibn Kathir? تفضل. Celui qui a créé ces choses-là, Ahsan Tiahmadou. Celui qui a créé, le créateur de ces choses, est celui qui mérite l'adoration. Ceci est le résumé de son argumentaire. Pourquoi Cheikhoul Islam rapporta ces versets? Et dans ces versets, il nous parle de la création. Il nous parle de, bien souvent, dans ces versets, donc, on retrouve quelle sorte de tawhid? Ar-Rububiyya, la Seigneurie. Et comme on l'a dit, Allah Azza wa Jalla ici, comme bien souvent dans ce livre, utilise comme preuve de Al-Uluhiyya, du fait qu'il est le seul à mériter l'adoration, il utilise des preuves de Ar-Rububiyya. Ceci est le résumé de l'argumentaire de Cheikhoul Islam dans le début donc de ce premier fondement, la connaissance du serviteur de son Seigneur, Tabaraka wa Ta'ala. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين